Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les Jeux de la mort à Munich en 1972. Le 11 septembre, en début de soirée par un temps froid et nuageux, je commentais les cérémonies de clôture, mais le cœur n'y était pas. D'ailleurs, il n'y était plus depuis ce fameux 5 septembre. Et pour la première fois de ma carrière, j'avais hâte que ces Jeux devenus les Jeux de la mort prennent fin. La grande fête olympique s'arrête abruptement le 5 septembre 1972 à Munich. Un commando palestinien prend en otage la délégation d'athlètes israéliens et quelques heures plus tard, cette prise d'otage se termine dans un bain de sang. L'attentat de Munich, en plus de plomber complètement l'atmosphère des Jeux, comme le rappelait l'animateur Richard Garneau dans cet extrait d'entrevue accordé à l'émission L'Aventure en 1992, cet attentat de Munich, donc, assombrira à tout jamais le souvenir des Jeux de 1972. À 5 heures, les Palestiniens, membres de l'organisation Septembre Noir, ont pris 9 otages israéliens qu'ils gardent dans leurs locaux. Ils sont armés de pistolets mitrailleurs et gardent les balcons. 6 heures, la police a bouclé le village et le suspense commence. Les Palestiniens font connaître leurs revendications. Un avion doit être mis à leur disposition à l'aéroport de Munich pour leur permettre d'emmener leurs otages vers une destination inconnue. Dans la matinée, les conditions changent. Le préfet de police de Bavière annonce que les Fedayines veulent que les Israéliens libèrent 200 prisonniers politiques avant midi, faute de quoi ils exécuteraient les otages un par un toutes les 2 heures. Après une longue journée de négociations, donc, la nuit tombe sur le village olympique où, dans les quartiers de la délégation israélienne, le commando palestinien tient en respect 9 otages. À 22 heures, ils quittent le village olympique en hélicoptère à destination de l'aéroport militaire de Munich, Fürstenfeldbruck. Les 3 hélicoptères se posent 25 minutes plus tard sur cet aéroport situé à une quarantaine de kilomètres de Munich et où le Boeing réclamé par les Fedayines attend. 2 Palestiniens descendent pour inspecter l'avion et ils ont avec eux comme otage le pilote de l'hélicoptère. Il est alors 22h30 environ. C'est à ce moment que la fusillade éclate, la lumière étant coupée par intermittence sur la totalité de l'aéroport. Un Fedayine lance une grenade dans un hélicoptère qui explose instantanément. Les 9 otages, membres de la délégation olympique israélienne, sont tués. 4 Fedayines également, alors que 3 autres réussissent à prendre la fuite dans la nuit. L'attentat des Jeux de Munich, résumé ici en un peu plus d'une minute dans ce documentaire « Mécanique terroriste » qui a été présenté à la radio française en 2006. Pour revenir sur cette tragédie de Munich, un témoin de première ligne, l'ex-animateur de Radio-Canada, Pierre Dufaux, qui était à Munich en 1972. Pierre Dufaux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Dufaux. Ça fait plaisir. Vous étiez là. Oui. Quelle image, tout de suite, spontanément, vous vient en tête quand vous repensez, quand on évoque les Jeux de Munich, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Ben, comment on a brisé cette atmosphère de paix qui existait quand on est arrivé à Munich. Les policiers étaient vêtus comme les athlètes ou comme les hôtes, les hôtesses, comme on les appelait, tout vêtus de blanc et de bleu pâle, ouais. Pas de mitraillettes à la vue, pas de policiers, rien, pas d'armée, bref, c'est la paix totale. Et c'est que Munich et l'Allemagne voulaient faire oublier ce qui s'était passé entre 1939 et 45. Atmosphère très détendue, pas beaucoup de sécurité, parce que c'était important pour l'Allemagne, justement, de se racheter. Parlez-nous un peu de ça, l'importance qu'avaient ces Jeux pour l'Allemagne. Ah, c'était d'une importance capitale, absolument. L'Allemagne devait se redonner une nouvelle image, comme étant on n'était pas des méchants comme on l'a été durant la guerre. C'était une exception, c'était une classe à part. Le peuple allemand, lui, il s'en voulait pour ça. L'État policier, c'était fini. Voilà, c'était faire oublier le nazisme et le fascisme. Bon, alors l'effort était louable et très réussi pendant une semaine. Hein. Pendant une semaine, tout s'est bien passé admirablement. Mais les Fedayines sont arrivés le soir tard et ont franchi une clôture de broche très simple parce qu'on voulait que la sécurité soit absolument presque absente. Minimale. On faisait confiance à tout le monde. Ouais. Donc le 5 septembre, c'est là que ça se passe. Ils franchissent le soir vers 11h30 alors que le couvre-feu est là parce qu'on pouvait sortir les athlètes, mais sauf qu'à passer 11h, toutes les entrées étaient fermées sauf une qui était centrale et il fallait s'identifier. Alors ces gars-là arrivent, franchissent habillés en athlètes et à côté d'eux, l'équipe de natation canadienne qui est allée fêter elle aussi est vêtue et ils se saluent tous les deux, franchissent la clôture en disant « Ben là, on arrive tard, mais on peut passer quand même. » Les Canadiens s'en vont chez eux et les Fedayines s'en vont à la légation l'endroit où demeuraient les athlètes israéliens. Donc, c'est ça la vraie histoire. Ça, c'est à 11h30 le soir. Oui. Et tout le reste après, là, ce sont les négociations et tout ce qui devrait se passer plus tard. Oui. Qui sont-ils d'abord, ces gens-là? Bon, ce sont des terroristes qui font partie d'un groupe qui s'appelle Septembre Noir, qui est une cellule de l'OLP, l'Organisation de libération de Palestine, fondée en 1964, et dont M. Yasser Arafat prend la tête en 69. Oui. Donc, les véritables manifestations violentes commencent en 70. 72, c'est une étape parce qu'on veut négocier. Alors, on kidnappe les athlètes israéliens, ils sont 12, et on demande ensuite d'échanger, de les remettre en liberté pour autant qu'Israël, Mme Golda Meir et la Première ministre, libère 248 ouais. Prisonniers politiques et aussi la bande à Bader, Ulrich Meinhof et Bader lui-même, que l'armée rouge, pour ainsi dire. Et Mme Meir dit, il n'y en a pas question, Israël ne négocie pas. Très vite, la réponse d'Israël arrive. C'est non. Et ça devient évidemment, pour l'Allemagne, ça veut dire, ça, débrouillez-vous, chers amis allemands, voilà. Puisque nous ne céderons pas en Israël aux demandes, la balle est dans le camp des Allemands. Alors, les pourparlers commencent presque instantanément. Mais ce qu'il faut dire, Jacques, c'est qu'au début, là, les autorités ne sont pas là, là. Ils sont dans l'espace réservé aux Israéliens. Et il y a un lutteur israélien qui allait participer comme athlète, évidemment, qui décide de se défendre. Et il est blessé et meurt dans son sang. Ouais. Mais il a rudoyé deux des fédéines assez forts. C'est bien qu'on le laisse mourir seul. Et là, on se rend compte qu'on est devant une situation impossible. Alors, on tente toutes sortes de moyens. Mais tout le monde est prêt à court. Hein? Surtout les autorités. Ouais. Et évidemment, ça va très vite. On va en parler tout de suite après l'extrait. Vous allez nous en parler parce que vous étiez là. Mais il faut savoir, c'est l'époque, c'est 72. Il n'y a évidemment pas les médias sociaux. Il y a la question de décalage. L'information va très vite et il y a tout à coup cette fausse information, cette rumeur. On se dit, oui. C'est bon, tout le monde est sain et sauf, c'est réglé cette affaire-là. On s'en va se coucher. Voilà. Écoutez donc, tiré de l'émission aux 20h du 5 septembre 1972, Pierre Rolland, qui nous raconte ce qu'il pense être, à ce moment-là, vous allez voir, c'est fascinant, un bon coup de la part des Allemands. Il y a, bien entendu, quelques blessés parmi les forces de l'ordre et parmi les otages israéliens, mais d'après ce qu'on sait, ils ne seraient que blessés et donc personne en danger de mort. Vous n'avez pas d'autres détails sur la façon dont on s'y est pris pour déjouer ainsi les fédayines, parce qu'eux aussi, jusqu'à maintenant en tout cas, avaient paru très bien organisés. Oui, mais voyez-vous, les Allemands ont fait preuve d'une certaine astuce au moment de l'embarquement. Ils avaient déclaré d'ailleurs, et je me suis laissé prendre moi-même, ils avaient déclaré que les terroristes et leurs otages embarqueraient à l'aéroport civil de Munich à bord d'un appareil de la Lufthansa qui se tenait à leur disposition. Et alors, entre le moment où les hélicoptères ont quitté le village olympique et l'atterrissage, eh bien les hélicoptères ont pris un autre cap et au lieu de se diriger sur l'aéroport civil de Munich, comme c'était convenu, ils se sont dirigés sur un aéroport militaire, donc ouest-allemand, où toute disposition avait été prise. Il y avait sur place, nous dit-on, plus de 3 000 soldats allemands, et cette opération a été menée tambour battant. Faut-il en conclure que le package deal, n'est-ce pas, les compromis dont on parlait du côté allemand, n'était qu'une astuce tout ce temps-là, pour gagner du temps? Je crois qu'il s'agit essentiellement d'une astuce et l'affaire, il faut le remarquer, a été quand même admirablement menée du côté allemand. Alors, Pierre Dufaux, c'est formidable de réentendre tout ça, mais c'est ce que vous vivez sur place, c'est-à-dire qu'il y a cette fausse information, on pense que ça s'est bien passé. Ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a un piège qui a été tendu les Allemands au commando qui a pris ces Israéliens en otage. Mais ce qui est tout faux, c'est qu'on pense que tout va bien, mais ça va se terminer dans un bain de sang. Bon. Puis ça, on va l'apprendre plus tard. Vous allez vous coucher sur cette impression. Non, on est en studio. Tout est réglé. Radio-Canada, un studio de radio. Moi, j'étais là pour la radio, n'est-ce pas? Et on est tous là avec Richard Garneau qui tient l'antenne, et on explique un peu ce qui se passe du mieux qu'on peut parce que les renseignements ne viennent pas. Les Allemands ne sont pas rapides pour vous aviser. Hein? Ouais. Ils parlent seulement allemand. Alors, si vous ne parlez pas l'allemand, le français et l'anglais disparaissent. Alors, on est complètement dans le noir, et là, tout à coup, arrive un messager qui vient dire à Richard avec un petit papier qui dit « C'est réglé. C'est réglé, les otages ont été libérés et tout le monde est parfait, alors on s'en va se coucher. » Il était à peu près 1h du matin. Ouais. Bon, 1h du matin, là-bas. Ici, il est moins 6 heures, donc il est 6 heures du soir, la veille. Oui. Bon. tout ce que raconte le monsieur, là, les 300 militaires, c'est pas vrai. Il y avait 5 francs-tireurs et quelques garçons de l'armée. Ils n'avaient pas eu le temps d'amener ce qu'il fallait comme équipement parce que les routes étaient congestionnées. C'est une petite route étroite qui mène à un ancien aéroport militaire qui s'appelle Fürstenfeldbruck. Oui. C'est là que sont les on a amené par hélicoptère les otages et le 737, dit un autre 1727, c'est un Boeing qui est stationné là à cet aéroport pour amener les otages en Algérie, je pense, ou en Tunisie, je suis pas sûr. Bon. En Égypte. Là, évidemment, les Allemands décident qu'on ne les laisse pas partir. Ouais. Alors, ils placent les francs-tireurs sur le toit du terminal, l'ancien terminal, et ils se mettent à tirer dès que les hélicoptères atterrissent et que deux d'entre eux se dirigent vers le 737 de la Lufthansa pour s'assurer que tout est bien. Ouais. Ils pénètrent à l'intérieur et il n'y a personne. Là, ils se disent « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas ». Ils sortent en courant et c'est là que les francs-tireurs reçoivent l'ordre de tirer. Oui. Ils en tuent au total 5 sur 8. Les 3 autres, évidemment, seront capturés et on verra la suite de l'histoire. Et c'est évidemment donc l'astuce, le piège tourne au vinaigre avec ce que vous venez de nous décrire. C'est un bain de sang, tous les otages y passent. Bien, les Allemands vont être très, très durement critiqués à la suite de cette opération ratée. On écoute là-dessus. Le 7 septembre, 2 jours plus tard, le compte-rendu de Christian Willmann à l'émission Aux 20 heures, toujours. Il résume la réaction. Comment les Allemands essaient de justifier ce qui s'est passé? Oui. La police allemande avait mis en position en haut de la tour de contrôle 5 tireurs d'élite en leur donnant liberté de feu. C'est-à-dire qu'on leur avait demandé de tirer au moment où ils jugeraient qu'ils auraient un maximum de Palestiniens sur le terrain, dans la ligne de mire, et un minimum de chances de toucher les otages. Mais le préfet de police a reconnu que c'était certainement le coup de feu du premier tireur qui avait servi de signal aux autres. Cela au moment où 4 fédayines étaient sur le terrain et les otages encore dans les hélicoptères. Seulement les Allemands se défendent, même s'ils ont déclenché le feu des Palestiniens, d'être les principaux responsables de la mort des otages. Ils étaient de toute façon condamnés, a dit cet après-midi le ministre de l'Intérieur, dès le moment où les Israéliens ont refusé de libérer leurs 200 prisonniers arabes. À partir de là, notre seule chance de sauver les otages était que les fédayines fassent une erreur, mais cette erreur, malheureusement, ils ne l'ont pas faite. De toute façon, nous ne pouvions pas tenter autre chose que ce que nous avons fait. Nous ne pouvions pas envoyer en particulier un avion au Caire avec les fédayines et leurs prisonniers, et cela pour 3 raisons. 1. L'Égypte, malgré toutes nos démarches, refusait de nous donner des garanties. 2. Tant qu'Israël maintenait son refus, il était certain que les otages seraient abattus à l'arrivée. 3. Nous n'avions pas le droit de mettre en danger de mort un équipage civil de la Lufthansa qui n'avait rien à voir dans les problèmes israélo-arabes. Donc, les Allemands, vraiment, Pierre Dufaux, essaient d'expliquer au monde pourquoi ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé, parce qu'ils sont très critiqués. C'est l'embarras. Ils ont été flagellés. Hein. Et pourtant, quand on regarde tout ça à froid maintenant, parce que ces reportages, celui, le dernier que vous avez présenté, là, était tout à fait la vérité. Les 5 terroristes qui ont été tués, c'était déjà ça de gagné, sauf qu'il en restait 3. Oui. Et la commande était déjà connue d'avance. S'il y a résistance, on tue les otages. Donc, il y en a 5 qui sont dans un hélicoptère et je pense que c'est 4 ou 5 autres qui sont dans l'autre. Un des fédayines qui reste, il en reste 3, lance une grenade dans l'hélicoptère qui saute. Oui. Et là, ils sont calcinés. Tout le monde est calciné. Enfin, les cinq otages israéliens. L'autre, c'est une rafale de mitraillettes. Ils sont tous tués instantanément. Oui. Et là, ils tentent de s'échapper et seront capturés. Et le reste de l'histoire viendra. C'était une époque terrible. Hein? Vous savez que la veille même, quand c'est arrivé, Mark Spitz, nageur américain, de descendance juive, gagné 7 médailles d'or en natation, 2 à Mexico 4 ans auparavant. Il a immédiatement été mis à bord d'un avion en partance pour les États-Unis pour le protéger. Revenons justement au sport. Comment réagit le CIO, le Comité international olympique? Complètement perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas imaginer qu'une situation pareille puisse arriver. N'est-ce pas? Alors, vous savez que les Jeux, Jacques, vous savez, les Jeux sont accordés à une ville, jamais à un pays. Donc, c'est la ville de Munich qui est responsable et par extension, on appelle ça comment, une province, la Bavière. qui est un État, en fait, et finalement le gouvernement fédéral de Willy Brandt, qui était à l'époque le chancelier, Genscher et le chef de police, etc. Alors ces gens-là se réunissent, qu'est-ce qu'on fait ? Ils veulent sauver l'honneur allemand, mais en même temps, ils veulent protéger les Israéliens, eux qui en avaient tué plus de 6 millions durant la guerre, imaginez. Ouais. Les Fedayins savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Ils savaient qu'il y avait les grandes cartes, là. Et d'ailleurs, ça va être de leur point de vue, c'est délicat à dire, mais un grand coup dans la mesure où énorme. ils vont donner une visibilité internationale aux revendications des Palestiniens. Et comment? Alors, la publicité que reçoit l'OLP dans tout ça est énorme. Ouais. Parce que les Jeux olympiques, c'est censé être les Jeux de l'amitié, de l'amour, etc. Tout sauf ça. Mexico, auparavant, avait eu des problèmes. Rien de comparable. Ouais. Et ensuite, Montréal, pour d'autres raisons. Puis ensuite, Moscou avec le boycottage. On est dans une période qui est bouleversante. Vous le savez, non seulement dans les Jeux olympiques, mais partout dans le monde. Et le CIO, donc, va décider, et ce sera très contesté, d'interrompre la tenue des Jeux pour un peu plus de 24 heures. C'est-à-dire une journée complète de Jeux. Tout est reporté d'une journée. Ouais. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent non, écoutez, 12 morts parce qu'il y avait un policier qui a été tué, hein. Un policier allemand. Alors, 11 athlètes, un policier allemand, 12 morts, on devrait annuler ce qui reste des Jeux. Bon, alors les athlètes sont là, puis les dirigeants disent, écoutez, ces gens-là se sont préparés depuis des années, on ne peut pas faire ça. Alors, ils déclarent une journée de deuil et tout s'arrête là. Ouais. C'est bon. Et ensuite, les Jeux reprennent, mais pas dans le même esprit. Ouais. Là. C'est triste. Avec cette, et puis c'est discutable, on y reviendra, mais avec cet argumentaire du côté du mouvement olympique de dire, nous ne devons pas, mouvement olympique, faire de politique, donc on arrête pour 24 heures, mais après, il faut que les Jeux reprennent. Dans quelle atmosphère? On écoute à nouveau, plus longuement, l'animateur Richard Garneau, qu'on entendait au tout début de l'émission, parler de cette atmosphère de l'après 5 septembre à l'émission L'Aventure en 1992. On aurait pu croire que le CIO, c'est-à-dire le Comité international olympique, prendrait la décision d'annuler les Jeux après cet attentat absolument abominable, mais on jugea finalement que les athlètes du monde entier n'avaient pas à être victimes, eux aussi, des machinations du Septembre noir. Alors, décalés d'une journée, les Jeux se sont poursuivis implacablement avec toute leur face et toute leur pompe, mais quelque chose s'était évidemment brisé dans nos esprits. Il était absolument impossible d'effacer ces images horribles. Et c'est un peu comme des automates qu'on a réussi à faire notre boulot sans réussir à vibrer au spectacle quand même remarquable donné par les athlètes. Et le 11 septembre, en début de soirée par un temps froid et nuageux, je commentais les cérémonies de clôture. Mais le cœur n'y était pas. D'ailleurs, il n'y était plus depuis ce fameux 5 septembre. Et pour la première fois de ma carrière, j'avais hâte que ces Jeux devenus les Jeux de la mort prennent fin. Vous êtes également là, à la cérémonie de clôture, mais après le 5 septembre, pour la fin des Jeux, Pierre Dufault, à peu près dans le même état d'esprit que Richard Garneau? C'est-à-dire qu'on était craintifs, je ne le cacherai pas. On disait toutes sortes de choses, comme par exemple, pendant la cérémonie de clôture, les Fedayins vont laisser tomber un vieux bombardier de la Deuxième Guerre mondiale, rempli d'explosifs, va s'écraser dans le stade avec 80 000 personnes. Alors, les avions en réaction de l'aviation allemande se promenaient autour, on les entendait. La circulation autour du stade, où avait dit la cérémonie de clôture, était fermée là, par, je dirais, un demi-kilomètre. On ne pouvait pas rouler, sauf pour les urgences, ambulances, armées, police, pompiers. On a dû marcher un demi-kilomètre, se rendre, et à l'entrée, une des nombreuses entrées, mais deux fois moins qu'auparavant, il fallait présenter notre passeport national, le passeport olympique, être fouillé des pieds à la tête devant un tank, un char d'assaut, des chiens bergers et des soldats en uniforme avec des mitraillettes. Bonjour l'ambiance. Alors, et là, on montait, puis on se disait, qu'est-ce qui va se produire? On avait peur, vraiment, parce que tout était possible avec les Fedayins. Tout était possible. Mais heureusement, rien ne s'est produit. Ils vont se terminer, ces Jeux, sans autre incident, mais l'histoire ne se termine pas là. Non, pas. Un déroulement subséquent, en fait, à peu près un mois plus tard. Le 30 octobre. Détournement d'avion. À Lufthansa. Racontez-nous ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un avion qui fait le trajet entre je ne sais pas quelle ville et quelle ville, au nord. Par de Beyrouth, je pense. Dans l'Afrique du Nord, oui, voilà. Et l'avion est détourné par des Fedayins, encore une fois, parce que les trois qui ont été capturés sont évidemment en prison et menacent d'être exécutés par les Allemands. Je ne crois pas que ce serait allé jusque-là, mais enfin, ils sont détenus. Alors, on veut les libérer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on détourne l'avion. Puis on dit, si vous ne les libérez pas immédiatement, l'avion va disparaître. Nous, mourir, il n'y a rien là. Voyez-vous? Alors, donc, ils se rendent. L'Allemagne dit, oui, on va en finir avec cette histoire-là. Et libère les trois otages, qui seront plus tard, cependant, descendus, deux d'entre eux, par le Mossad, la police secrète israélienne, et le dernier, qui était à la tête du groupe, lui, s'était réfugié, on l'a appris plus tard, bien sûr, en Syrie, où il est mort de sa belle mort. Oui, parce que ça sera cette opération dont, on le signale, Steven Spielberg fera un film. Ah, quel film il a fait! Ouais. C'était vraiment, Jacques, c'était vraiment la réalité. Ouais. C'est à 95% ce qui s'est produit. Nous voulons vous demander, accepteriez-vous une mission? Vous devrez quitter le pays et votre famille. Je sais que je ne vivrai pas si je refuse ça. Nous avons 11 noms de Palestiniens. Chacun d'eux est impliqué dans Munich. Vous allez les tuer, un par un. Nous déposons de l'argent dans un coffre qui n'existe pas. C'est 200 000 dollars pour un seul nom. Est-ce que je suis seul? Avec 4 autres. Ils connaissent des choses utiles. Les documents, les voitures, le nettoyage. Il va dans son lit et son poids active le mécanisme. Je donne le signal en éteignant ma lampe. Un mot pour terminer cette émission, Pierre Dufaux, sur l'impact que ça aura. Vous l'avez un peu évoqué, il y avait eu Mexico avant, il y aura d'une autre manière Montréal par la suite. Mais qu'est-ce que ça a changé dans le mouvement olympique pour la suite des Jeux olympiques Munich? C'est l'ébullition. Hein? Au temps de Munich, le président du CIO était un Américain à la retraite, richissime, Avery Brundage, qui n'avait aucune idée ce que c'était que les Jeux olympiques, même s'il avait déjà participé comme athlète dans les Jeux des années 20. Mais lui, c'est avant tout un homme d'affaires. Et là, il est pris à court et comment? Il a été critiqué. Alors, c'est là qu'on se rend compte que le mouvement olympique doit être transformé. Complètement. Mm-hmm. Alors, c'est à partir de là qu'on va aller chercher Juan Antonio Samaranch, un des bras droits de Francisco Franco durant la guerre civile de trois ans, n'est-ce pas, qui a fait presque 1 million de morts. Et lui, il est très, très près, parce qu'il a été ambassadeur en Russie, en Union soviétique à l'époque. Il est très près du mouvement et c'est lui qui prend la charge. Et à partir de 88, il a dit aux gens de la Corée du Sud quand ils ont présenté leur candidature, parce que vous savez que quand on donne des Jeux olympiques, deux critères sont absolument infranchissables, c'est-à-dire le côté économique et le côté politique. Oui. Si ces deux critères sont respectés, les chances sont là. Ça veut pas dire que vous allez les avoir. À l'époque, il y avait de moins en moins, avec Munich, là, il n'y avait plus grand monde qui voulait avoir les Jeux. Hein. Donc, Séoul fait la demande. Séoul est une dictature. Samaranch leur dit, si vous ne donnez pas la démocratie, un gouvernement démocratique à votre pays, il n'y en a pas question, vous ne serez pas un candidat. Ils ont fait des élections, sont devenus démocratiques, ils ont eu des Jeux de 88 au coût de 5 milliards de dollars américains, ce qui était une fortune à l'époque. Oui. Je sais, j'étais là, j'ai fait la cérémonie d'ouverture. Et c'est là que les choses se sont replacées et depuis ce temps-là, on a des cas de dopage, bien sûr, et bien d'autres, mais pas de terrorisme. Pierre Dufaux, c'était un grand bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, Jacques. Pierre Dufaux, animateur toutes ces années, il y a quoi, une trentaine d'années? Ah, mon Dieu, au déluge. À Radio-Canada. Au déluge. Merci, M. Dufaux. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.